L'actualité à Nancy et ailleurs. Depuis fin mars, le Conservatoire des broderies de Lunéville, au château de Lunéville, nous présente une nouvelle exposition, Les grandes époques de la mode. Audrey-Mie, bonjour. Bonjour. Vous êtes brodeuse d'art et maître de stage. Pouvez-vous nous présenter cette nouvelle exposition en quelques mots ? Nous proposons cette année, en fait, les grandes époques de la mode, ce qui retrace vraiment l'univers de la broderie. Dans l'exposition actuelle, c'est vraiment un moment fort parce qu'on y présente des pièces d'exception signées Christian Lacroix, Karl Lagerfeld, mais aussi des créations contemporaines de jeunes créateurs comme Aymeric François, Denis Durand de Grasse. Cette exposition fait suite à celle qui était consacrée aux années 80, les années disco, avec les grandes époques de la mode. Vous nous invitez encore plus à un voyage dans le temps. Ça nous permet en fait de montrer l'évolution de la mode au niveau disco. Bah, les années 80 étaient très paillettes, fantasy, autant dans les couleurs que la broderie en elle-même. Et les couturiers peuvent être autant soft que très très créateurs dans leur métier. Donc ça permet de montrer la belle évolution de la mode en fait. Donc ce voyage commencera à la fin du 19e siècle. C'est ça, pour le point de Lunéville. Entre autres, on a commencé avec le point de Lunéville, qui est une technique de broderie sur tulle au crochet de Lunéville, et c'est le patrimoine culturel immatériel qui a été déposé en 2020. Ça a donné naissance à la broderie perlée pailletée quelques années plus tard. Donc c'est un travail qui se fait sur métier à broder, sur l'envers, pour fixer chaque perle avec une délicatesse et une précision absolue au crochet de Lunéville. Après les années 1890, on se rapprochera, ce sera autour des années 20 et les années 50 avec une autre approche de ce travail. Oui, les années 20 étaient la sortie de la guerre aussi, c'était vraiment un moment plus fantaisie après un moment vraiment très triste. Donc les personnes portaient des tenues perlées, beaucoup de tulle perlée et avec beaucoup de plus de fantaisie, d'ouverture sur la vie et un petit peu la fête aussi pour l'ambiance. Donc les années 20 vers les années 50, qui étaient différents avec le tissu Vichy. Pour les années 50, on peut penser à la très belle Brigitte Bardot. Le carreau, en fait, c'est un tissu à carreaux qui est très visuel, on va dire. Et on finira ce voyage dans le temps avec un retour dans les années 80, et j'imagine encore quelques paillettes. Ah oui, tout à fait, les paillettes. À Lunéville, les brodeuses ont travaillé beaucoup pour les chanteurs à succès des années 80. Entre autres, une brodeuse m'a raconté une anecdote car elle a travaillé pour Johnny Hallyday. Elle avait été super surprise parce que ce grand monsieur lui avait répondu pour son travail qui était très bien fait. Donc c'est assez honorifique, le travail de brodeuse finalement. Des anecdotes, j'imagine que vous en avez beaucoup. Cette exposition nous fait donc un voyage dans différentes périodes. Il y en a une que vous préférez particulièrement ? J'aime beaucoup le travail des années 20 parce qu'on y trouve aussi en même temps l'époque de l'art déco. Mais les années 20 étaient très travaillées en perles sur du tulle, donc c'était très agréable à travailler au niveau de la broderie car il y avait vraiment beaucoup beaucoup de perles sur une tenue. Alors cette exposition, on peut en profiter jusque mars 2027 et on n'hésite pas pendant les périodes de vacances pour venir à votre rencontre. Et cette passion aussi, vous la partagez car il y a une école de broderie à Lunéville. Oui, c'est exactement. Je forme mes élèves aussi bien en formation de loisirs, donc elles peuvent découvrir vraiment pour une passion personnelle et en faire à la maison, ou aussi bien en faire pour un réel métier. Et les candidats passent un examen de broderie reconnu par l'État et surtout validé par un jury professionnel. Donc c'est une authentique reconnaissance de leur savoir-faire. C'est important. On peut en faire son métier, mais oui, vous proposez également des ateliers pour venir juste découvrir ou se perfectionner. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs modules en fait d'initiation, de perfectionnement et les gens peuvent découvrir ça au sein de l'école de broderie sur inscription. Et on retrouve toutes ces informations bien sûr sur le site du Conservatoire des broderies. broderie-luneville.com. Et on rappelle, les grandes époques de la mode, c'est la nouvelle exposition du Conservatoire des broderies de Lunéville au château de Lunéville, à voir jusque mars 2027, une exposition qu'on peut voir en famille. On a des visites en particulier, en groupe aussi. En groupe, si c'est des visites de groupe, il faut prévoir un petit peu à l'avance. Mais en famille, bien sûr, tout à fait. En plus, là, c'est les vacances, donc ça donne de belles idées de sortie en semaine, le week-end aussi, les après-midi. Tous les jours, sauf le mardi de 14h à 17h30. Merci beaucoup à Audrey-Mie. Rendez-vous sur le site internet également pour en savoir plus. www.broderie-lunéville.com. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.